Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Muy buenas tardes, amigos del Tren de la Música. Otra vez estamos con ustedes sobre el 820 AM, la más grande de todo el norte de Sinaloa. Para presentar a todos ustedes, estamos aquí con su programa dominical, que es el Tren de la Música. Como siempre, estamos haciendo lo mejor para brindar en sus hogares las más lindas canciones francesas para hacer la diferencia en la música que se escucha en los mochis. Estoy inmensamente feliz de poder decir que el programa del Tren de la Música es la mejor de todas para su diferencia. Esta tarde tenemos para ustedes un pléyade d'artistes que tú vous aimez bien. Y pour commencer, vous écoutez Gilbert Bécaud, accompagné de Jacques Brel dans l'interprétation de Le jeu où le plus viendra. Le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie offriront dans leurs bras les plus beaux du monde, les plus beaux fruits du monde, ce jour-là. La triste terre rouge qui craque à l'infini, et les branches nues où rien ne bouge se gorgeront de pluie, et le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis, et je t'enroulerai de bagues et de colliers jolis. Oui, le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde. Les arbres pleurant de joie offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde. Ouais, les plus beaux fruits du monde, ce jour-là, ce jour-là. Nous avons besoin de beaucoup de pluie, oui, car la sécheresse nous tue ici au nord de Sinaloa. C'est pour cela que nous dit Claude Barzotti que ça pleure aussi un homme, parce que les agriculteurs sont en train de se plaindre et de pleurer, car il n'y a pas de pluie et c'est la sécheresse qui bat son plein. Donc nous écouterons Claude Barzotti dans son interprétation « Ça pleure aussi un homme ». Un soir de quelques nuits, quelques semaines, un mois et puis plus d'un été de porcelaine, se brise l'espoir, se plie le chêne dans le miroir. De nos baisers à perdre haleine, à s'enlacer.

pas un secret j'ai su garder. Comme si ça ne se voyait pas, que j'avais besoin de parler de moi. Ce soir, je ne me suis pas retenue. Je me suis montrée presque nue sur une scène trop éclairée. J'aurais du mal à me sauver de moi. Partie car elle n'a pas voulu de lui. Oui, elle est partie sans dire au revoir, sans dire un mot d'adieu. Comme c'est dur quand cela arrive. Art Sullivan nous chante ses Jacques Green dans la composition qui nous dit adieu, sois heureuse. Toi qui ne m'aimais pas, toi. choisir. Adieu, sois heureuse. Adieu, et bonne chance. Celui qui t'emmène aujourd'hui. Adieu, sois heureuse. Adieu et bonne chance. Avec celui qui t'emmène. Et avant d'aller à notre petite pause pour identifier la station, nous demanderons à Michel Sardou de nous boucler la première partie du programme d'aujourd'hui avec une très belle chanson qui s'appelle « Soleil ou pas ». On va l'écouter et on vous revient juste dans quelques secondes. Merci. Toi, tu fais comme tu voudras. Moi j'ai la voiture en bas et pas mes mains début d'idée de savoir où j'aimerais aller. J'ai pris mon futur avec moi. Ils ont 100 ans mes premiers pas. Seul ou pas seul si tu es là avec en fond une belle idée et pas de projet pour demain. Vivre un seul jour me va très bien. S'il y en a deux, alors tant mieux. Doubler la mise au second jeu. Soleil ou pas, ça me convient. Soleil ou pas, ça me convient. Et puis s'endormir sans rêver jusqu'au bout du calendrier. Toi tu fais comme ça t'ira. C'est juste un désir comme ça. Rien n'a été prémédité. Finir ce qu'on a commencé. On a tout l'avenir derrière soi. Elle était quand la première fois. Tu étais seul, je ne l'étais pas. Avec en fond une belle idée. Et pas de projet pour demain. Vivre un seul jour me va très bien. S'il y en a deux, alors tant mieux. Doubler la mise au second jeu. Soleil ou pas, ça me convient. Soleil ou pas, ça me convient. Aimer l'amour encore 1000 ans. 1000 ans, ça paraît suffisant. Et ne rien prévoir pour après, ne même pas songer aux regrets. Ne pas savoir où on ira, jouer avec ce que l'on a. Et puis recommencer toujours, l'éternel et le même retour. Aimer l'amour encore une fois, mais seulement une fois à la fois. Soleil ou pas, ça me convient. Soleil ou pas, ça me convient. Aimer l'amour encore 1000 ans, 1000 ans, ça paraît suffisant. Ça paraît suffisant.